l'allée pas trop. Tu m'annonces que tu pars. Je m'y attendais car tu sortais sans moi le soir. Je ne savais où t'allais. Les heures passaient jusque tard. Et quand tu rentrais, je sentais sur toi l'odeur d'un autre homme que moi. Tu n'es plus ma petite sœur, plus rien entre nous. Claque la porte, notre idylle est morte. Je vois par la fenêtre ma passion disparaître. Qu'est-ce que je vais faire ce soir? Je sentais sur toi l'odeur d'un autre homme que moi. Tu n'es plus ma petite sœur, plus rien d'autre.